mamia. Je suis déjà quillé, ouais. J'suis un Zéweli, j'ai pas Wahda, t'es trop maquillé, ouais. T'as pas l'air nia, ouais. Tu veux manier, hein. J'suis dans ton club, j'suis dans ton cœur, tu veux marier, ouais. Mais j'ai le barrio, moi, sans et j'le rio. Mais du papier en kilogramme, j'veux qu'il soit violet. Ah ouais, t'es jaloux, hein. Embrouille t'es jamais, là, j'me pars à salou, ouais. Les blaises à pas, mais là. Elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans prière. Moi je suis allé sans prier, j'en ai marre des pillages. La bagot est maquillée, je veux juste pas y prendre un grillage. Non c'est pas la même sans prier, toi t'es pas la même sans prier. Les motherfuck, je vais et les flics qui se prennent pour je sais pas qui. Genre une contrôle me dit je sais pas quoi, me cherche pas la merde, je vais dormir sur un oeil. Arrête ça pilote, tu vas tomber sur un arbre. Dis tous te casse, hein, après derrière ils te cassent, hein, c'est des gosses, ça me les casse, hein, et cassez-vous, je vous dose, hein, pourquoi tu es jalouse, hein, ton regard me dit des trucs, hein, je me fais courser par les fans, hein, je m'y à la place, me dis les trucs, hein, là on est au check, hein, on voit pas la vie en pif, hein, tu es dur à trouver, hein, ton ami veut se déguiser en punk, hein. Elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans prière, moi je suis allé sans prier. J'en ai marre des pillages, la bagot est maquillée. Je veux, j'ai failli prendre un grillage. Non, c'est pas la même sans billet. Toi, t'es pas la même sans pillage. Buena tarde, choqué ce soir, je vois ta boîte. Et elle s'attarde. Son poteau fait le four et qui la boit. T'es pas la même sans pillage. C'est pas la même sans billet, non. C'est pas la même sale pillage. J'ai pris des sommes dans la bigrave, ouais. Resserre la sangria, ramène le cendrier. Je rentre pas, j'suis dans la piave. Je dormirai sur le palier. Raptar, j'suis partant pour la bagarre ou la partout. Par toi, j'ai pas le temps, j'suis pas là, j'suis partout. J'suis raptar, j'suis partant pour la bagarre ou la partout. Par toi, j'ai pas le temps, j'suis pas là, j'suis partout. Elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans pliage. Moi j'suis allé sans prier, j'en ai marre des pillages. La bagot est maquillée, je veux, j'ai failli prendre un grillage. Non, c'est pas la même sans billet, toi t'es pas la même sans pillage. Oh mytho, t'es amoureux de la muche, toi. T'es le pigeon de la chica, doucement despacito. Oh mytho, t'es amoureux de la muche, toi. T'es le pigeon de la chica, doucement despacito. Elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans pillage. Moi j'suis allé sans prier, j'en ai marre des pillages. La bagot est maquillée, je veux, j'ai failli prendre.